Audiomatique. Mówi Pirks. Tak, komandorze? Włączyć silniki. Tak jest, włączyć silniki. Le projet Divine Electronics ouvrait la transmission 062 de l'émission Audiomatique avec sa pièce Cuivier, qui se retrouve sur l'album Burnham Wood. Les électronistes vous accueillent tous les mercredis dès 17h sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM afin de passer en votre compagnie une heure dédiée à la musique électronique et à tout ce qui l'entoure. D'ailleurs, nous prenons l'expression « musique électronique » dans son sens le plus large. Les électronistes valorisent en effet toute forme d'expression synthétique, qu'elle soit pure ou croisée à d'autres genres musicaux. La séquence musicale qui suit en sera justement une durant laquelle plusieurs genres se rejoindront avec la reprise d'une pièce du groupe Cypress Hill faite par T. Rumschmier et Motor. Nous aurons aussi droit à une pièce de Beck, mais tout d'abord, allons-y avec le projet Red Snapper et sa composition Seeing Red. Emotional glitch. No spectrum generation. Try that rap down the turnpike. After hours on the miracle mic. Grinding the gears, 18 wheels. Pigs and robots riding on the heels. Now through a roadblock, making a sandblock. Peace of inferno, moving like Drano. Down the horizon, purple gases. Semi-trucks, hauling their asses. Novocaine, hit the road. Express mode, explode. Yeah. Vous avez peut-être reconnu les sonorités et les paroles d'une célèbre pièce de la formation hip-hop Cypress Hill. Les projets T. Rumschmier et Motor nous offraient leur version réalisée conjointement de la pièce Insane in the Brain sous le titre allemand de Crank im Hirn. Cette pièce se retrouve sur le 12 pouces Music to Play in the Club, 12 pouces collaboratif entre les deux projets. Auparavant, nous écoutions le projet Beck et sa pièce Novocaine paraissant sur l'album Odelay de 1996. Cet album fusionne bien plusieurs genres, dont le rock alternatif, le hip-hop et bien évidemment la musique électronique. Et c'est le projet Red Snapper qui amorçait la séquence musicale avec sa pièce Seeing Red de l'album Making Bones. À Audiomatic, entamons dès maintenant une prochaine séquence musicale avec une collaboration entre le projet Ojob et le chanteur Jean-Luc Demeyer, bien connu pour sa participation au groupe Front 242. Voici We Must Wait. Wait. terminions cette séquence musicale avec une courte pièce de la formation montréalaise Police des mœurs. Cette pièce, intitulée La forme, se retrouve sur l'album éponyme Police des mœurs. Auparavant, nous écoutions le projet de Rorschach Garden, qui met à contribution le talent de l'artiste Philip Munch, qu'on connaît davantage pour sa participation à la formation Synapscape. De l'album homonyme de Rorschach Garden, nous entendions la pièce State Protection. Et c'était sur la musique de Hojob que le chanteur du groupe Front 242, Jean-Luc Demeyer, posait sa voix pour la pièce We Must Wait, qui se retrouve sur le 7 pouces du même nom. À Audiomatic, des créations plus expérimentales, toujours sous le sceau de la musique électronique, constitueront cette séquence s'amorçant sur la composition Terra Sync du projet Square Pusher.

whole group. You must know more. Stand out, sweet lover. Glimpse of purple sunflower. Oh, hey, no way. Celui qu'on surnomme le roi du noise japonais, l'artiste Masami Akita, qui crée depuis le tout début des années 1980 avec son projet Mars Bar, nous offrait la courte pièce Tony Williams' Dead Space qu'on peut trouver sur l'album Door Open at 8 AM, réalisé en 1998. Avant Murs Bar, nous entendions une pièce assez excentrique d'une autre formation de longue date, soit Controlled Bleeding, qui a vraiment expérimenté à travers une panoplie de styles musicaux. Ces dernières années, à l'image de la pièce Chunky Love Boy que nous avons écoutée, Controlled Bleeding se dirige vers des compositions à saveur free jazz expérimentale, entre autres. Cette pièce, les électronistes l'ont trouvée dans le coffret de 4 CD intitulé Gibbering Canker Opera Slaves, qui regroupe une panoplie de pièces inédites ou versions alternatives s'étalant sur toute la carrière de ce groupe qui est apparu à New York à la fin des années 1970. Et en début de séquence musicale, c'était le projet Square Pusher de qui nous entendions la pièce Terra Sync de son album Ultra Visitor paru en 2003. C'est The Art of Noise, un groupe que l'on qualifie de art pop, qui conclura sur une note plus tranquille la transmission 062 d'Audiomatic. La pièce que nous allons entendre, intitulée Camilla, The Old Old Story, est tirée de l'album Invisible Silence, paru en 1986. Les électronistes espèrent vous rencontrer mercredi prochain dès 17h pour la transmission 063 d'Audiomatic. D'ici là, vous pouvez vous rendre sur notre profil facebook.com Audiomatic CFOU afin d'accéder à toutes nos anciennes transmissions. Laissons maintenant la place à The Art of Noise. Bonne écoute et bonne semaine. Thank you.